sit. Throw them a sit sit. Yeah, yeah, yeah. Je prie à nous voter par en 2010. Respect à tous ceux qui représentent ton micro. Tu reconnais mon feu qui représente le 976. Je porte sur mes épaules comme un fardeau. Je prie à nous voter par en 2010. Respect à tous ceux qui représentent ton micro. Je suis discret dans le vrai, la rime j'ai adopté avec le refrain. On cherche à percer, éliminer les jaloux dans le game. Trop de haine, trop de peine pour atteindre le sommet. J'ai 9 pour les potes, et 7 pour ma yacht, et 6 pour le reste. Tu te demandes c'est quoi, c'est le double zéro pour le N. Ça fait 976 sur mon rétro. Représente ça, tu es Bonovo. Dans le 73, et j'ai voulu trop vulgaire la vie de ma mère. C'est grave la misère, et j'suis déterminé à frauder des millions de billets. J'suis né pour briller, et sans hésiter, j'rappe sans pitié. Yeah. Tu reconnais mon feu qui représente le 976. Je porte sur mes épaules comme un fardeau. Je prie à nous voter par en 2010. Respire à tous ceux qui représentent ton micro. Tu reconnais mon feu qui représente le 976. Je porte sur mes épaules comme un fardeau. Je prie à nous voter par en 2010. Respire à tous ceux qui représentent ton micro. Le nouveau son, je vous présente. Toi avec mon sèche, je te fais la fête. Il faut que t'en coupes le reste. Les jaloux, je les éclate. Au micro, je trouve ça bête, bêtement, c'est jamais suffisant de représenter mon île dans mon élément. Bêtement, on en a jamais assez de ce qu'on a. On veut toujours représenter nos quartiers. Beaucoup disent que de bla bla et que leur quartier veut d'emploi. Le mien veut de ma yacht dans l'océan Indien. Et je ne regrette pas, je suis fier d'être un yachtman. Bien sûr, ma yacht, ma yacht, ma yacht, yeah, ma yacht. Tout le monde. Tu reconnais mon feu qui représente le 976. Je porte sur mes épaules comme un fardeau. Je prie à nous voter par en 2010. Respire à tous ceux qui représentent ton micro. Tu reconnais mon feu qui représente le 976. Je porte sur mes épaules comme un fardeau. Je prie à nous voter par en 2010. Respire à tous ceux qui représentent ton micro. J'envoie un petit message à tous ces blédards qui sont couche tard. Mayotte, All Star, béton sera la page. Parce qu'on a la rage. Rien à foutre de ce qu'ils disent, mec. Je t'attends avec mon 9 mm. Mais t'inquiète, je suis un brave mec. Le beatmaker que tu ne veux pas tester. Demande à MC Warrock ici, y'a pas de faux MC. Oh. Tu vois pourquoi je suis là, tu vois pourquoi je suis là, tu vois pourquoi je suis là, mec. Je suis là pour représenter toi-même, tu sais. Oh. Ça vient de là-bas, mais pas d'en bas. Toi-même, tu sais. Oh. Tu reconnais mon feu qui représente le 976. Je porte sur mes épaules comme un fardeau. Je prie à nous voter par en 2010. Respire à tous ceux qui représentent ton micro. Tu reconnais mon feu qui représente le 976. Je porte sur mes épaules comme un fardeau. Je prie à nous voter par en 2010. Respire à tous ceux qui représentent.